Chapitre 13. Depuis la veille, c'est-à-dire depuis le moment où il avait saisi sa canne avec l'intention d'administrer une correction à l'honorable B. Mascaro, le comte de Mussidan était dans un état à faire pitié. Oubliant la douleur de son pied malade, il avait passé la nuit à arpenter sa bibliothèque, demandant vainement à son esprit un expédient pour se soustraire à la plus humiliante des tyrannies. Il sentait la nécessité d'aviser promptement, car il avait assez d'expérience pour comprendre qu'en dépit des belles protestations du doux placeur, cette première tentative n'était que la préface d'exigences qui deviendraient de plus en plus exorbitantes. 1000 projets se présentaient à son esprit, repoussés et repris tour à tour, puis définitivement abandonnés. Tantôt il avait envie d'aller confesser toute l'histoire au préfet de police. Tantôt il songeait à faire appeler quelqu'un de ses policiers in partibus, qui opère pour le compte des particuliers en dehors de la préfecture, et souvent malgré elle. Il en est d'habile, dit-on. Mais plus le comte réfléchissait et se débattait, plus il sentait solide et perfidement noué les liens qui le garrottaient. De quelque façon qu'il s'y prît, il arrivait toujours un scandale, et B. Mascaro n'offrait aucune prise. Cependant, 20 heures de colère avaient affaissé les ressorts de son caractère violent, lorsqu'on était venu lui annoncer la visite de M. de Clinchamp. Grâce à cette disposition, il avait pu accueillir son vieil ami avec un calme relatif. La lettre anonyme ne l'avait pas surpris. On pourrait presque dire qu'il s'attendait à quelque chose de pareil. Lui dépêcher M. de Clinchamp était habile et dénotait une connaissance parfaite de l'homme. Tourmenté par toutes ces idées qui bouillonnaient en son cerveau, M. de Mussidan allait de long en long, se préoccupant si peu de la présence de sa femme qu'il laissait par moments échapper des lambeaux de phrases et de sourdes exclamations. Ce manège à la longue irrita la comtesse, dont les derniers mots de l'homme au journal avaient éveillé la curiosité. Ne devait-elle pas toujours être sur le qui-vive, ainsi que ceux qui se trouvent dans une position menacée? « Qu'avez-vous donc à vous agiter ainsi, Octave ? » demanda-t-elle. « Serait-ce l'indigestion de M. de Clinchamp qui vous inquiète ?» Le comte connaissait sa femme pour en souffrir depuis des années. Il devait être accoutumé à cette voix de tête si affreusement agaçante, adoptée par elle. Il devait être habitué à ce sardonique sourire qui était comme figé sur ses lèvres. Cependant, cette apparence de raillerie en un tel moment le transporta d'indignation. « Ne parlez pas ainsi » fit-il d'une voix frémissante. « Bon Dieu, comment vous me dites cela? Qu'avez-vous, mon ami? Est-ce que vous êtes malade, vous aussi ?»« Madame. » Enfin, daignerez-vous me dire ce qu'il se passe d'extraordinaire ?» La face du comte s'était empourprée. Sa colère revenait avec une violence d'autant plus grande qu'elle l'avait été longtemps réprimée. Il s'arrêta brusquement devant le fauteuil où la comtesse était assise, et les yeux flamboyants de haine et de menaces, il dit « Il y a que notre fille ne peut épouser M. de Breuil-Faverley, qu'elle ne l'épousera pas !» Cette inconcevable déclaration eut dû combler de joie Madame de Mussidan. C'était la moitié de la tâche imposée par le docteur Hortebise, et la plus difficile, qui se trouvait accomplie sans effort. Cependant, son premier mouvement fut de chercher des objections. Les femmes commencent toujours, systématiquement et instinctivement, par s'opposer aux desseins qu'elles approuvent le plus. C'est leur façon de les faire entrer profondément dans l'esprit de qui les leur propose. Chacune de leurs objections est calculée pour produire l'effet d'un coup de maillet sur un coin. « Plaisantez-vous ? » dit-elle, « repoussez M. de Breuil. Retrouverez-vous jamais un parti aussi brillant, je dirais presque inespéré ?»« Oh ! Ne craignez rien !» répondit le comte avec la plus amère ironie. « On se chargera de vous fournir un prétendant. » Cette phrase, arrachée à M. de Mussidan par l'intensité de ses craintes, serra jusqu'à l'angoisse le cœur de la comtesse. Qu'est-ce que cela voulait dire ? Était-ce une allusion ? Son mari avait-il voulu désigner Croisenois ? Savait-il, sous l'empire de quelles obsessions abominables elle était condamnée à agir? Mais elle était brave. Elle était de celles qui, à l'anxiété du désastre, préfèrent le désastre lui-même, si complet et si effroyable qu'il puisse être. Elle voulut savoir. « De quel prétendant parlez-vous » demanda-t-elle avec une nonchalance affectée. « Présenté par qui? Comment? Qui donc aurait osé disposer de l'avenir de ma fille sans me consulter? Moi !» La comtesse eut un petit ricanement qui fut pour le comte comme un coup de cravache à travers la figure. Il perdit la tête, il oublia tout. « Ne suis-je donc pas le maître » s'écria-t-il d'une voix terrible. « Et je saurais le montrer. parce que telle est la volonté des misérables qui ont surpris le secret de ma vie, de mon crime, et qui ont entre les mains assez de preuves pour déshonorer mon nom. » Madame de Mussinan s'est élevée. Elle se demandait si la raison de son mari ne s'égarait pas. « Un crime ? » balbutia-t-elle. « Vous ? » ?»« Oui, moi. » « Et cela vous surprend ? » ?»« Vous nous en doutez guère. » »« C'est ainsi. » Vous vous souvenez peut-être d'un accident de chasse qui attrista les premiers mois de notre mariage, ce jeune homme, dans les bois de Biveron. Eh bien, il n'y a pas eu d'accident. C'est volontairement que je l'ai ajusté, que j'ai fait feu. Je l'ai assassiné, enfin. Et on le sait, et on peut le dire et le prouver. » La comtesse, terrifiée, roulait, les bras étendus en avant, comme pour écarter un danger. « Ah, vous êtes épouvanté !» reprit le comte avec un rire sinistre. « Je vous fais horreur, peut-être. Ne tremblez pas, ne vous éloignez pas ainsi. Je n'ai pas de sang aux mains, soyez tranquille. » Il appuya ses deux mains sur son cœur, comme si la respiration lui eût manqué, et il poursuivit. « C'est là qu'il a le sang, et il m'étouffe. Il y a 23 ans de cela. Et cependant, parfois encore la nuit, je m'éveille baigné de sueur, parce que dans mon sommeil j'ai entendu le dernier râle de l'infortuné. » Madame de Mussidan s'était laissée glisser sur un fauteuil. « C'est horrible, » murmura-t-elle, « n'est-ce pas ? Et cependant, vous ne savez point encore pourquoi j'ai tué. Savez-vous ce qu'il a osé me dire, ce malheureux ? Il m'avait dit que ma jeune femme que j'adorais avait eu un amant. » La comtesse de Mussidan se dressa, la protestation aux lèvres, mais monsieur de Mussidan ayant ajouté froidement, « Et c'était vrai, j'en ai acquis plus tard la certitude. » Elle retomba comme assommée, cachant son visage entre ses mains. « Pauvre mon Louis !» poursuivait le comte. « Il était aimé, lui. Il avait une maîtresse, une grisette qui allait en journée pour gagner sa vie. Mais elle était plus noble 100 fois par le cœur, cette pauvre fille, que l'orgueilleuse héritière que je venais d'épouser et qui était une sauve-bourre. Elle s'était donnée à mon Louis, cependant, et il devait l'épouser, il me l'avait dit. » Tout le monde la croyait sage, elle était enceinte. À la mort de son amant, elle a été déshonorée. On est impitoyable dans les petites villes. La première fois qu'elle sortit l'hospice avec son enfant sur les bras, de vieilles femmes prirent de la boue au ruisseau et l'en couvrirent. Il fallait fuir. Quand il se serait agi de la vie, la comtesse n'aurait pu articuler une parole. « Elle serait morte de faim sans moi, » disait le comte, pauvre fille. C'était bien peu ce que je lui donnais. Eh bien, avec ce peu, à force de privation, elle a élevé son fils comme celui d'un bourgeois. L'enfant est un homme aujourd'hui, et quoi qu'il arrive, son avenir est assuré, car je suis là, moi. » Pour les grands mouvements de l'âme, il n'est pas de circonstances extérieures. Moins profondément ému, M. de Mussidan et sa femme eussent entendu des sanglots étouffés qui, lorsqu'ils cessaient de parler, rompaient lugubrement le silence. Souvent, Madame de Mussidan avait eu, prétendait-elle, à souffrir des violences de son mari. Mais jamais le comte n'avait été ainsi. Même en ses plus furieux emportements, il ne dépassait pas certaines bornes, comme si d'avance il eût pu dire à sa colère « Tu n'iras pas plus loin ». En ce moment, une circonstance inouïe rompait toutes les digues imposées par une ferme volonté et le torrent faisait irruption. Et il faut le dire, il semblait éprouver une âcre et délicieuse jouissance, un soulagement immense, à donner un libre cours à toutes les amertumes qui, depuis des années, s'étaient amassées goutte à goutte en son âme. « Dites-moi maintenant, madame, s'il n'y aurait pas injustice à vous comparer à cette pauvre fille qui était la maîtresse de mon Louis ? Vous n'êtes donc jamais descendue au fond de votre conscience ? Vous n'avez jamais tremblé en songeant que Dieu certainement vous punirait un jour ? Vous qui avez été fille coupable, épouse criminelle et mère indigne ? » D'ordinaire, la comtesse tenait tête à son mari. Elle se redressait sous ses justes reproches. Aujourd'hui, elle n'osait. « Avec vous, » poursuivait le comte, « la honte et le malheur sont entrés dans ma vie. Qui donc eût pu prévoir cela, en vous voyant courir insouciante et rieuse sous les grands arbres de Sauvebourg ? Que de fois, en ce temps où mon seul rêve était d'unir ma destinée à la vôtre, je vous ai observé sans soupçonner que j'étais dupe d'une odieuse comédie. Jeune fille, vous aviez atteint la perfection de la dissimulation. Jamais les détestables pensées qui vous bouleversaient n'ont jeté une ombre sur votre front. Jamais vos plus affreux desseins n'ont altéré la pureté de votre regard. Ah, qui n'eût été trompé comme moi ? En entrant dans cette petite église où a été bénie notre union maudite, intérieurement je vous demandais pardon d'être si peu digne de vous, misérable fou. J'en étais encore aux premières ivresses de la possession que déjà vous aviez installé l'adultère à mon foyer. La comtesse eut un geste de dénégation. « C'est faux, murmura-t-elle, on vous a menti. » Monsieur de Mussidan eut un de ces rires glacés qui sont l'expression la plus saisissante du désespoir. « Non, j'ai eu des preuves. Ah, cela vous paraît extraordinaire. Vous m'avez toujours pris pour un de ces maris benêts qu'on bafoue impunément. Vous pensiez m'avoir noué sur les yeux un bandeau épais. Erreur, j'y voyais. Comment ne vous ai-je jamais dit cela ? Ah, voilà. Je ne pouvais pas ne pas vous aimer. C'était plus fort que ma volonté, que mon orgueil, que ma raison. Il n'y a à rire des épouvantables lâchetés, des transactions misérables de la passion, que ceux qui n'ont jamais aimé de toute la puissance de leur cœur et de leur chair. » Il parlait avec une véhémence extraordinaire et la comtesse écoutait, confondue de ses transports, respirant à peine. « Je me taisais, » continuait M. de Mussidan, « parce que je savais que le jour où je dirais un mot, vous seriez perdu pour moi. » Or, j'aurais pu vous tuer. Il était hors de mon pouvoir de vivre séparé de vous. Non, vous ne saurez jamais combien. Vous avez été à deux doigts de la mort. Au moment de vous embrasser, il me semblait voir votre visage marbré par les baisers d'un autre. Il me fallait d'héroïques efforts pour ne pas vous étouffer entre mes bras. Je ne savais plus au juste à la fin si je vous aimais ou si je vous haïssais. Octave, de grâce, balbutia la comtesse en joignant les mains. « Octave !» Le comte haussa les épaules. « Je pourrais vous surprendre étrangement, » fit-il, « si je voulais. Mais baste !» La comtesse frissonnait. Son mari connaissait-il, lui ou non, l'existence des lettres ? Pour elle, tout était là. Par exemple, elle était certaine qu'il ne les avait pas lues. Il se serait exprimé autrement s'il eût connu le mystère qu'elles expliquaient. « Laissez-moi vous dire, » commença-t-elle. « Rien, » répondit durement M. de Mussidan. « Je vous jure, inutile. Tenez, je vais vous avouer ma présomption en ces années de notre jeunesse. Vous raillerez, peu importe. Je me berçais de l'espoir de vous ramener à moi. La lâcheté a son héroïsme, elle aussi. Je me disais que tôt ou tard vous seriez touché de ce grand amour, si profond et si doux, que j'avais pour vous. Quelle dérision ! Comme si jamais un sentiment avait fait battre votre cœur plus vite. Vous êtes impitoyable. » Il la regarda avec des yeux emplis d'une haine de 20 années, et froidement dit, « Et vous, qu'avez-vous donc été ? Si vous saviez. Je sais où ont abouti mes efforts. C'est jusqu'à la lie que j'ai vidé le calice empoisonné que verse une femme adorée à un mari trompé. Chaque jour a élargi et creusé l'abîme qui nous séparait. Et nous en sommes venus à vivre de cette existence infernale qui me tue. Vous n'aviez qu'à vouloir. Quoi ? Pour retenir de force ? Me faire votre geôlier ? À quoi bon ? Ce que je voulais de vous, c'était l'âme. J'aurais emprisonné le corps. Mais qui sait ? À quel rendez-vous serait allée la pensée ? Comment j'ai eu la force de rester près de vous ? C'est qu'il fallait sauver non l'honneur. Il était perdu. Mais les apparences de l'honneur, moi, présent, le nom ne pouvait traîner dans la boue. Madame de Mussidan, une fois encore, essaya de protester. Son mari ne sembla même pas entendre l'interruption. « Je voulais aussi sauver la fortune, » poursuivait-il, « car votre prodigalité est un gouffre où s'engloutiraient des millions. Au feu de quelle fantaisie flambez-vous donc les billets de 1000 francs, qu'on ne retrouve même pas la cendre ? On vous refuse crédit. Vos fournisseurs me croient ruiné, et cette croyance empêche ma ruine. » Pourquoi n'ai-je pas liquidé notre position ? C'est que je ne veux pas que nous finissions à l'hôpital. Il faut aussi doter Sabine. Je la doterai richement, et cependant... » Il hésita. D'où pouvait venir cette hésitation après tout ce qu'il avait dit ? Madame de Mussidan interrogea. « Et cependant ? » ?»« Cependant, » répondit-il avec une terrible explosion de rage, « je ne l'ai jamais embrassée sans ressentir une horrible douleur jusque dans les entrailles. » « Sabine est-elle ma fille ?» La comtesse se dressa frémissante. Cela, elle ne pouvait non, elle ne pouvait le supporter. « Assez !» s'écria-t-elle. « Assez ! Oui, Octave, j'étais coupable, bien coupable, mais non pas comme vous croyez. À quoi bon vous défendre ? je défendrai Sabine, à tout le moins. » M. Mussidan eut un geste de dédain. « Mieux il va lui l'aimer, » répondit-il, « surveiller l'éclosion de ses premières idées, l'initier à ce qui est beau et à ce qui est bien, apprendre à lire comme un livre ouvert dans ce jeune cœur, être sa mère en un mot. » La comtesse était dans une telle agitation que, certainement, son mari eût été surpris s'il l'eût remarqué. « Ah, Octave, » s'écria-t-elle, « que n'avez-vous parlé plus tôt, si vous saviez? Mais je veux tout vous dire, oui, tout. » Mais le comte, malheureusement, l'arrêta. « Épargnez-nous ces explications. Si je rompus le silence que je m'étais imposé, c'est que rien de vous ne saurait me toucher ni m'émouvoir. » Madame de Mussidan se laissa retomber sur le canapé. Elle comprit que tout espoir était anéanti. Dans le petit salon de jeu, les sanglots avaient cessé. Sabine avait eu la force de se traîner jusqu'à sa chambre. Le comte se préparait à regagner sa bibliothèque quand un domestique gratta respectueusement à la porte. Il apportait une lettre. M. de Mussidan rompit le cachet. La lettre était de M. de Brolle. Il rendait sa parole. Après tant d'émotions, ce coup frappa le comte. Il crut y reconnaître la main de cet homme qui était venu le menacer chez lui, et il fut épouvanté du terrible et mystérieux pouvoir de ces gens dont il était l'esclave. Mais il n'eut pas le temps de réfléchir. La femme de chambre de Sabine, modeste, pâle et effarée, se précipitait dans le salon. « Monsieur, crie-t-elle, madame, au secours, mademoiselle se meurt !»